avance doucement, mais c'est ressanglotant. Dès qu'on plaint ce pessimisme, pour retrouver la piste, je parcours tranquillement la campagne sous le vent. Et je porte l'espoir d'être bien quelque part. Je veux vous parler d'une terre et d'une aile où l'âme dit qu'on dit mais pas aimé. Il tente d'être lucide, il est joyeux. Il a rêvé le vent sans être sentencieux. J'ai parfois l'esprit critique sur des rythmes exotiques. Et je bégaye un instant ou bien une heure en m'enfuyant. Je contemple le spectacle insolite de minutes éternelles. Et j'en espère d'autres, même petites, dont le plaisir est un rappel. Je veux vous parler d'une terre et d'une idée où l'âme du candide n'est pas grimée. Il tente d'être lucide, il est joyeux. Il a rêvé le vent sans être sentencieux. Le compagnon, la clé de vous. Je partage l'enthousiasme. Mais pourquoi parler fantasme? Je vous dérange, je vous emmène. Le voyage dure une vie à paix. Je fais tomber les masques de l'ennui et du manque frasque. Je veux vous parler d'une terre et d'une idée où l'âme du candide n'est pas aimée. Il tente d'être lucide, il est joyeux. Il a rêvé le vent. Yeah.